si on me dit que pour nos envies, donc suis les règles à la trace. Ou bien on m'a qu'on a grandi, qu'on est que du sperme à la base. Je me bats, je gagne ces cons qui filent en nuit, qui gênent ses maîtres. Je me bats, roule vite ces temps, je confonds où je suis, où j'aimerais être. Les apparences te mentent, oui, la drogue caresse tes manques. Ces âmes paraissent clémentes, mais te la mettent ouvertement. J'ai bossé des trompe-toi, moi j'ai passé des 30 fois. On a bossé, mais je montre pas ce que je possède est en moi. Puis quoi, on t'a dit quoi, on dit qu'une fois, autant y croire. Alors vois comme l'homme y voit, comment il foire, comme quand il croise la mort. Faudra faire face à la stupeur, mais dans le fond, je sais que j'obtiendrai grâce qu'à la sueur de mon front. Je gueule, dis-moi qui m'entend. J'ai peut-être mûri, pris du galon. Je ne vois même pas que j'ai du talent. Je traîne la poisse à mes talons. Je suis las, la vie passe. Et pourquoi dire que moi j'ai plus la mienne? Ouais, je suis à ma place, mais à ma place, écrirais-tu la même? Le temps est éphémère et tu sens plus passer 18. Retransmet des éternes auxquels s'accorderont mes dissertes. Encore les cœurs se figent, j'ai pas ta mort qu'à prédicuit. À tort, j'aurais dissert. Hier encore, j'avais 17. Le temps est éphémère et tu sens plus passer 18. Retransmet des éternes auxquels s'accorderont mes dissertes. Encore les cœurs se figent, j'ai pas ta mort qu'à prédicuit. À tort, j'aurais dissert. Hier encore, j'avais 17. Pris de l'âge et chiant, je reste assis. J'ai zappé l'euphorie, rien âgé, j'en presque assis. Mes appels de fond riment. Et la sagesse opère au calme, ils n'ont pas pris mon pouls. Non, j'ai la sagesse, ils l'ont pas pris, on pourront. Tant que le crayon sur la feuille grille et carré et car. Depuis le temps que nous créons, ils n'ont pas grillé le car. Hier encore, j'avais 17 piges et tout mon time. Mon reste de vie via mes poumons taille. Avec des goûts, je ramasse les morceaux d'un corps en miettes. Ce qui me laisse dans la gorge, à part un goût et cœur en niette. Et des pensées plus noires les unes que les autres. J'entends des mecs censés me voir des humes gueuler sautent. Jeunesse est morte, j'ai laissé le temps d'ensevelir. Délaisser l'or, laisser temps d'ensevenir. Mon seul souhait, ce qui pourrait me ravir, c'est de voir mes gosses et poux. M'offrir un avenir, je vais devoir négocier. Le temps est éphémère et tu sens plus passer 18. Retransmet des éternes auxquels s'accorderont mes dissertes. Encore les cœurs se figent, j'ai pas ta mort qu'après 18. À tort, j'aurais dissert. Hier encore, j'avais 17. Le temps est éphémère et tu sens plus passer 18. Retransmet des éternes auxquels s'accorderont mes dissertes. Encore les cœurs se figent, j'ai pas ta mort qu'après 18. À tort, j'aurais dissert. Hier encore, j'avais 17. La tête sous l'eau, mais le cœur étanche. Je crois pas que nos vides compatissent. Voir Stan Novice contemplatif, rappelle tout ce flot de ces perles étranges. Plus de rire, tu tombes, t'es combattu, l'action grave, je paye mes erreurs, rubis sur ongles, mais les congratulations tard. Chez d'où je viens, pas où j'irai, profite de chaque moment tous frères. Trop de chicanes d'offense, nous friends blessés pour se plaindre, pas foutre chimer. On a semé les vents, récolté les tempêtes. Laissez l'aisance, mes fautes et mes grandes pertes. Tant que j'ai la tête sur les épaules, immortel marque les odds. Santé, j'arrête, bulle et c'est pauvre. Si j'encaisse, je marque l'époque. Rentre les nageoires, vendez la joie, je t'entraîne m'asseoir près de l'eau. Autant le point, j'ai au fond coincé dans des mâchoires d'étau. Savoir d'où je viens, c'est pas tabou, pas de polémique futile. Je veux troubles, hein, c'est par ta bouffe qu'un gros d'ennemi te fustige. D'où je viens, c'est noir et franc, 6 mois, faut signer le pouce, incruste. Prions victoire, sinon je m'inouère, toutes les coups de ceinture. Le temps est éphémère et tu le sens plus passer 18. Retransmet des éternes auxquels s'accorderont mes dissertes. Encore les cœurs se figent, j'ai pas ta mort qu'après 18. J'aurais dissert, hier encore j'avais 17. Le temps est éphémère et tu sens plus passer 18. Retransmet des éternes auxquels s'accorderont mes dissertes. Encore les cœurs se figent, j'ai pas ta mort qu'après 18. À tort j'aurais dissert, hier encore j'avais 17.